les peuples sont ce qu'est chaque homme en particulier. Platon et Cicéron commencèrent par faire des vers. On ne pouvait encore citer un passage noble et sublime de prose française quand on savait par cœur le peu de belle stance que laissa Malherbe. Et il y a grande apparence que, sans Pierre Corneille, le génie des prosateurs ne se serait pas développé. Cet homme est d'autant plus admirable qu'il n'était environné que de très mauvais modèles quand il commença à donner des tragédies. Ce qui devait encore lui fermer le bon chemin, c'est que ses mauvais modèles étaient estimés. Et, pour comble de découragement, ils étaient favorisés par le cardinal de Richelieu, le protecteur des gens de lettres, et non pas du bon goût. Corneille eut à combattre son siècle, ses rivaux et le cardinal de Richelieu. Le Cid ne fut pas le seul ouvrage de Corneille que le cardinal de Richelieu voulut rabaisser. L'abbé d'Aubignac nous apprend que ce ministre désapprouva Polyeucte. Le Cid, après tout, était une imitation très embellie de Guillaume de Castro, et en plusieurs endroits une traduction. Cinna, qui le suivit, était unique. J'ai connu un ancien domestique de la maison de Condé qui disait que le grand Condé, à l'âge de 20 ans, étant à la première représentation de Cinna, versa des larmes à ces paroles d'Auguste. « Je suis maître de moi comme de l'univers, je le suis, je veux l'être. Ô siècle, ô mémoire, conservez à jamais ma dernière victoire. Je triomphe aujourd'hui du plus juste courroux, de qui le souvenir puisse aller jusqu'à vous. Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convie. » C'était là des larmes de héros. Le grand Corneille, faisant pleurer le grand Condé d'admiration, est une époque bien célèbre dans l'histoire de l'esprit humain.